Bongo! C'est le tango des gens heureux, ceux qui s'en vont au cinéma, s'offrir un petit moment à deux, quand il reste des sous en fin de mois. C'est le tango des gens marrants, ceux qui rigolent aux blagues des autres, ou bien qui font si bien semblant qu'ils en viennent à trouver ça drôle. Et ce tango ne me dit rien, je ne connais que la guinguette. J'aime pas les gens, je préfère leurs chiens, leur conversation est moins bête. C'est le tango des militaires, qu'ils soient gradés ou bien soldats, qui se lancent sans faire la manière. Oh, garde à vous le dos bien droit. C'est aussi le tango du gendarme, que certains trouvent plus sympathique, car il se danse avec une arme que l'on frotte de façon lubrique. Et ce tango n'est pas le mien, moi que l'on traite de l'anarchiste. D'ailleurs cela se pourrait bien, en aucun cas militariste. C'est le tango des bons bourgeois, ceux qui ont les lèvres pincées. À quoi que l'argent de ces gens-là, par le rire pourrait s'envoler. Et c'est le tango nationaliste, pur sang, pur beurre et sans ajout, qui se danse entre le péniste ou sarkozyste, que l'on danse contre nous surtout. Et ce tango, celui-là non plus, n'est pas vraiment fait pour me plaire. Moi que bien souvent dans la rue, on traite de sale libertaire. Car moi mon tango, messieurs dames, c'est dans celui sans règle aucune. Même si à vos yeux je me damne, vous bien pensant, je vous en. C'est le tango des abrutis, ceux qui vivent comme des moutons, qui pensent qu'Obispo et Pagny chantent de très jolies chansons. Et c'est le tango réalité, que l'on danse le soir sur M6, que l'on danse en étant filmé, en espérant devenir artiste. Et ce tango là je le fuis, comme d'autres fuient la lèpre ou la rage. Moi j'aime le tango des prairies, pas celui des oiseaux de passage. C'est le tango des vieux grincheux, ceux qui font la queue au guichet, qui voudraient que l'on s'occupe de mêmes. Avant tout le monde, ils sont pressés. Et c'est le tango de ceux qui ont de l'espoir, parce qu'ils ont joué au loto, qui se voit des gens jaguars, ouais, se paye du rêve à 2 euros. Enfin ce tango là encore, non je ne sais pas le lancer, mais le mien vaut tout le trésor, et y'a pas besoin de gratter.